crois pas au plus simple. Ne pleure pas. Ne crois pas toujours à l'évidence. Ne pleure pas. Ne crois pas aux rumeurs, à toutes ces manigances. Non, ne pleure pas. Ne crois pas que le diable fasse révérence. Non, n'y crois pas. Pas que quelqu'un te sauvera, non, personne te sortira de là, non, ne compte pas, non, ne crois pas que les gens auront pitié de toi, non, ne compte pas, n'y compte pas, n'y compte pas, non, ne crois pas qu'il y a une gloire à tout ça, sûrement pas, ça sûrement pas, non. Que l'argent te transcendera, non, n'y compte pas, non, sûrement pas, non.